Vous êtes à l'écoute de Radio Universidad de Occidente, qui émet sur les 820 AM et qui vous présente son programme de chansonnettes françaises. Le train de la musique va démarrer. Restez à l'écoute car le conducteur est prêt à partir. Muy buenas tardes a todos, estimados amigos del tren. Yo soy Alejandra Trasviña Galaviz y hoy estoy en el timón del tren de nuevo. De nuevo, ¿eh? Ah, sí. Como cada domingo, ¿eh? Ajá. Porque el profe está muy perezoso. Claro, sí. No es cierto. Me lo prestó el profe el timón. Bueno, gracias, profe Daniel, porque yo le hice una promesa a mis compañeros de la escuela de la Alianza Francesa de tocar canciones que me pidieron. ¿De verdad? Sí. Ah, ¿tú prometes canciones? Sí. ¿A quién? ¿A los alumnos de tu...? A mis compañeros. Compañeros, ok. Entonces... Y amigos. Amigos. Uh-huh. A ver, profe, ¿quieres saludar al público? Ay, sí, por supuesto que sí. Bonsoir a tous mes amis du train. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et bienvenue. Je suis aujourd'hui assis sur le banc de touche. Et quand mademoiselle Alex a pris le volant du train, et avec beaucoup de plaisir, je le lui donne. Écoutez bien, je le lui donne. Et c'est non, c'est la classe des Français. Uh-uh. Non. Je le lui donne. Quel est le si? Yo le doy a ti. Je le lui donne. Mm-hmm. Ok, a ti. Ok, merci, profe. Empezaremos con una dedicación para mi profe de la Alianza, José Mario, que me ha pedido la canción de Kate Ryan. Profe, vous êtes servi. Voyage, voyage. Ah, ok. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs, au-dessus des capitales, les idées fatales, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Mario, j'ai essayé de comment dire, c'est dans le descargar plusieurs versions de la chanson que tu nous as demandé, hein. Par exemple, Tant pis. J'ai décidé de garder deux versions que je vais te faire écouter durant le programme, ok? La première version que nous allons jouer tout de suite est de Rock Voisine. Et le titre de ta chanson est Tant pis. Et si j'ai tort de lire dans tes pensées où rien de beau ne m'échappe à part toi, et seuls quelques silences m'effleurent encore quand je dors, je n'ai plus de raison d'aimer. José, esta es la canción que me pediste. Espero que estés escuchando el programa, porque si no, la vas a pagar muy caro. No, no es cierto. La palabra clave para saber si me estás escuchando es Le Roi de France. Ah, tú pusiste una clave, ¿eh? Sí, para saber si iba a escuchar para el programa. Para saber si la escucha. Ah, claro. José, ya tiene problemas, hombre. Okay. Tiene que decir a Alejandra Sábalo la clave que dice le roi de France. Uh-huh. Mm. Si no me la dice, pues ya va a ver y me las va a pagar. ¿Qué te va a pagar? Mira, tú ves. El desayuno de perdida. El desayuno tiene que pagarte el sábado, si no sabes. Sí, ¿okay? Porque Me dijo que le pusiera esa canción y aquí está. Aquí está. Ok, aquí. Entonces repito, Le Roi de France. Es la clave, ¿ok? Es la clave. Y la canción se llama Le Sens de la Vie. Ajá. Ah, c'est très joli. Je l'ai écouté. C'est de Tal, oui. La chanson. Le Sens de la Vie. Mm-hmm. Okay. Sans même voir que le ciel était bleu. José, lo siento mucho, traté de trouver la chanson qui a pour titre Promis. Mon vieux, j'ai fait tous mes efforts. J'ai été sur Ares, j'ai été sur iMesh, j'ai été sur d'autres sites. J'ai pas pu trouver la chanson. Malheureusement, mon vieux, j'ai pas eu cette chance, ok? Donc, je continue à chercher. Si je la trouve, je te promets que dans les prochains programmes, je te le joue, ok? Et je crois que le titre que tu m'avais demandé, c'était Promis. Non, mon vieux, j'ai pas trouvé, ok? Carla, voici la chanson que tu m'as demandé et la clé pour voir si tu m'écoutes est Le ciel est bleu. Ah, tous les poussis de ta vie, on a clavé par la carte, si. Carla, le ciel est bleu. Sí, porque ella me dijo que iba a escuchar el programa. Entonces, para saber si lo escuchó, pues le puse las claves. Ah, le ciel est bleu. Es la clave por Carla. Uh-huh. Qué trampa. Porque mira, mira Carla, si no, le profesor Mario va a t'enlever demi-point. Ah, entonces. Sur le total de tes examens. Ay, ay, ay. Entonces,

Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Tu l'as. Aunque no lo merece, voy a poner una canción para mi estimado compañero Esteban. ¡Ay, Esteban! ¡Esteban! Sí. ¿Quién nunca hace sus tareas? ¿De verdad? Sí. Bueno, no, nunca hace su tarea. No siempre. Pero es que siempre viene con una excusa, pero pues él sabrá por qué no las hace, ¿verdad? Entonces, no te enojes, Esteban, ¿eh? No, pero no es la verdad. Si él es muy flojo, no hace sus tareas. Ah, yo no dije que fuera flojo. Sí, pero si no hace sus tareas. Es un buen alumno, participa mucho en clase. ¿Sí? Sí. Pero no hace sus tareas. No. Ay, ok. Esteban. No te creas, Esteban, ¿eh? ¿Qué vas a se va a enojar todo el No, no sé. Ah, no hay problema. Esteban, aquí está en la radio, ¿eh? ¿Qué pasó con que la música? ¿Qué canción? Es Voir le Jour. Voir le Jour, c'est la le canción jour? Que tu, le Jour, oui, c'est ce que tu as choisi. Voir le Jour. Désolé. C'est la chanson que tu as choisi pour Esteban. OK? OK. Voir le Jour. Le Jour. Le Jour. M'entends-tu quand je pleure, le cœur meurtri par l'effroi, abattu, cœur à l'envers, j'ai pas le choix. Loin des tiens, près du vide, la folie m'invite en douceur, trois fois rien, sans parade et sans couleur. Demain, je me battrai jusqu'au dernier souffle. Que l'amour embrasse nos mains. Je sais que la vie n'a pas toujours été simple. Oh non, c'est pas une raison pour haïr l'humain. Oh, je rêve encore de voir le jour. Je rêve toujours de toucher l'amour. Je rêve encore de voir le jour. Je rêve toujours de toucher l'amour. Après tout, à quoi ça sert ce cinéma de pacotille? y a que des loups friands de chair, des plus fragiles. Allez, Chin, à ta santé, il faut toujours garder l'envie. Indochine, ça fait rêver, adieu l'ami. Demain, je me battrai jusqu'au dernier souffle, un jour, pour que l'amour embrasse nos mains. Je sais que la vie n'a pas toujours été simple, oh non, c'est pas une raison pour haïr le mal, oh non. Je rêve encore de voir le jour. Oh, je rêve toujours de toucher la joue. Je rêve encore de voir le jour. Je rêve toujours de toucher la joue. Avant d'aller à Corte, je veux jouer pour le professeur Mario de l'Alliance française. Otra vez? Oh, ah, qué felicidad, sí. Mario. Ah. Ok. Ah. Es que es otra versión de la canción que me pidió, que es Tampi, pero ahora con Medi Gusto. Ah, va a ser interpretado por Medi Gusto. Es otro cantante, ¿eh? Sí. Et après ça, on arrête le train pour identifier les stations. Ok? Ne partez pas. Et pourquoi pas? Car il y a le cours de français. Ah, quand nous reviendrons. Muy interesante. Mm-hmm. Ok, s'il vous plaît, no se vayan. Okay. Quédense con nosotros. Porque hay el cursito de francés. ¿Eh? Claro. Antes de ir a corte, quisiera mandarle un saludo a mi amigo que está en el DF, Luis Manuel Rochín Cepeda, que dijo que estaba escuchando el programa desde México el domingo pasado. Ah, Rochín. Sí. Ah, qué interesante. Sí. Cada vez que yo me meto en ¿cómo se llama? En Skype. Uh-huh. Él siempre está en el Skype. Sí. Y siempre le mando un recadito. Hola, amigo, ¿cómo estás? Sí, de hecho me dijo que escuchó el programa pasado y estuvo aprendiendo las frases que dijimos y todo. Entonces, ¿en el DF? Muy. ¿Eh? ¿En el sí, DF? Está en el DF. Ah, está. Espero que estés bien, Rochín. Ok. Saludos, Rochín. Ok. Uh-huh. De tu amigo, el profesor Daniel Fouché. Y de Alejandra. Y Alejandra. Ok. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et laisser tomber. Pour laisser